Restez chez vous. Le système de confinement ne va pas aller carrément. Contre terre, je suis tombé à Ndibutu. Prière d'amour n'angasse. Nami Pakoli, centre d'amour n'ayo. Na elongia, monte manangai. Bolingo n'angai, so souffrir na pollution. Asphyxié na ba pensée, ba dira ba jaloux. Y'a qu'à tout signer, degré arrêt, amour n'abisso. Tout signer arrêt, y'a canicule nous emprunt. Tout arrêter, réchauffement. Climatique, y'a bolingo. Andi poutou, motie mananga. Bonero, la kakio réalisé. Yo suis singaï, problème na vie. Talanga na komi. Déshydraté na bolingo. Oh. Au bord de l'amour, na vandina près de bord. Ngana kosika na kema ya kolinga yo. Amour trouble merde na bakasa et effet de serre. Et au boli couche na zone ya monte manangai. J'ai dit à mon cœur, mon haute mananaï, n'a abandonné métier ya kolinga yo. Yo déchiré voile ya monte mananaï. Yo préféré sanctuaire à monte mananaï. N'a coquille sous tes mon cœur sans faiblir. Toi qui me disais chaque nuit prendra notre amour. T'as arrêté réchauffement. Climatique ya bolingo. Andi putu mote mananga chéri. Bonero la kakio réalisé. Yo suis singaï problème na vie. Talanga na komi déshydraté na bolingo. Est-ce que yo sambi si a mauvaiso andi? Tope yo sa mauvaiso andi si chéri. Ne gali nyo kok yo sa lelingi boye. Aha, talangana kangami. Ne komi ki zengi, e yali chuka lelingi. Deshydrate na bolingo. Jifi appelle personne me répond. Et yali chuka bolingo e kumbinga na captivité. Et yali chuka lelingi. E yali chuka lelingi. E yali chuka. E yali chuke lengi cheke. Kitoko na yo Cecil Kakuji. Kitoko na yo Cecil Kakuji. E komi on me melanga malali chéri. Kenda visite pa ya docteur le pira. E lengi na yo moko me melanga e. E komi li yo semblable na li soumou. Ngawayo nasa kofuna ma pona bolingo na yo. Pona bolingo na yo. Libere nga na captivité ya bolingo. Talanga na kangami. Na komi ki zengi. Déshydraté na bolingo. Je fis appeler personne me répond aya. Bolingo e kumbinga na captivité li dépression. Eya tchukelengi chouchoué bengo. Naomi Kapinga, Sarah la patrona, Raissa la reine des corbeilles, Lisa Wimbo, Mylor la seule boss, Sephora Amour, Simo Gomez Bamba, Elo de Homo, Benjamin Fouma Poutou, Kajo Malwa, Atou Alunga ya Mireille, Albino Mungindo Resto, Montfleury, Orléans, Sandrango et Mama Taliane. Papizila, bienvenue, Kindeki. Talanga na kangambi, kitoko na yo, eli kitenge. Eko mio memelanga maladi chérie, kena visite paya doktele pira, elengi na yo moko garçon plaisir. Eko meli yo semblable na lisubu, kitoko na yo, dadi panzu. Eko mio memelanga maladi. Amédée Isongo le sénateur, Servin Mieko Mike Longange Eric Lumwe, Amédée Mackenzie Poutine, Andrazi Lumbola, Ali Nomoke, Freddy Mayele, bienvenue. Blaise Singa Singalo, Talangai na Kangambi, na Kombi Kisengi. De citrate na bolingo, je fais appel et personne ne me répond. Bolingo est kumbinga na captivité, Paolo de Souza. Et Paolo de Souza, y a Blandine de Souza. Kito konayo Blandine de Souza. Et comme yon meme la maladie, que la visite pa ya docteur le pira. Paolo de Souza Pichunzita, Yenanga Claude Moussaï Venema, Kitoko na yo Chocho Chimbalanga, Kitoko na yo Samantha Ekilae, Ekomio Memelanga Maladie, Kenda visite paya docteur le pira, Elengi na yo moko peberangae, Ekomeli yo semblable na lisubu, Mawayo naza kofuna mapona bolingo na yo, Kiberenga. Eli kitenge Christine Dagomo Christo Jojo Moussa Yadada Maître Dupe Bilanga Makofi Système ya confinement kaka Christine Dagomo Christo Bisonye Mou